L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le déchirement gravitationnel d'une étoile par les effets de marée d'un trou noir supermassif conduit généralement à une brève éruption dite thermique, appelée TDF, en anglais Tidal Disruption Flare. Aujourd'hui, une équipe présente pour la première fois l'observation d'un phénomène d'émission radio suivant un tel éclatement d'étoiles auprès d'un trou noir supermassif, qu'ils interprètent par l'apparition d'un jet de matière au pôle du trou noir. Malgré d'intenses recherches, une émission d'ondes radio qui suivrait tout juste l'apparition d'une explosion de type TDF n'avait encore jamais pu être observée. Celle que Stuart Van Velzen, postdoc à l'université Johns Hopkins, et ses collaborateurs australiens, néerlandais, anglais et américains sont parvenus à mettre en évidence, se trouve être variable et 10 fois moins intense que ce qu'étaient capables de détecter les instruments antérieurs. Ce type de jet de matière suivant la destruction d'une étoile par un trou noir supermassif pourrait être ainsi commun, mais jusqu'ici passé inaperçu par manque de sensibilité. C'est véritablement tout le processus de destruction d'une étoile par les forces de marée du trou noir que les chercheurs ont réussi à suivre, depuis l'apparition de l'éruption thermique signant l'écrasement de l'étoile jusqu'à son aplatissement dans le disque d'accrétion du trou noir, et l'éjection consécutive de matière à une vitesse relativiste au niveau des pôles du trou noir, finissant par produire ces ondes radio caractéristiques. Stuart Van Velzen précise « Ces événements sont extrêmement rares. C'est la première fois que nous voyons tout ce qui se passe depuis la destruction d'une étoile jusqu'à la projection d'un jet de matière, le tout sur plusieurs mois d'affilée. » C'est en décembre 2014 qu'une équipe de l'université de l'Ohio a signalé la présence d'une étoile en train de se faire déchirer par un petit trou noir supermassif de 1 million de masses solaires. Très vite, Van Velzen a contacté ses collègues britanniques pour suivre l'événement avec des radiotélescopes, puis ils ont pu ajouter des données dans de nombreuses autres longueurs d'onde, du visible au rayon X. La galaxie où se déroule l'action scrutée de près se situe à seulement 300 millions d'années-lumière. À partir de ces riches observations, les astrophysiciens tirent la conclusion que des flots de débris stellaires peuvent produire un jet très rapidement, ce qui va leur permettre d'affiner encore davantage la physique sous-jacente à ces événements violents. Pour la petite histoire, Stuart Van Velzen, seulement quelques mois avant cette découverte impromptue, terminait la rédaction de sa thèse en écrivant dans sa conclusion qu'il espérait pouvoir découvrir un tel événement dans les 4 années suivantes. Le temps semble s'être fortement accéléré pour lui et il se retrouve publié aujourd'hui dans la prestigieuse revue Science. Son article donc s'intitule « Radio Jet from the Optical and X-ray Bright Stellar Tidal Disruption Flare » ASASSN14LI, donc Stuart Van Velzen et al., publié dans Science le 26 novembre 2015. À très bientôt sur Ça se passe là-haut, restez bien à l'écoute sur le www.saspasselahaut.fr où vous pouvez retrouver ce podcast également, puisque c'est un blog et un podcast, Ça se passe là-haut, et bien sûr, le podcast que vous retrouvez également sur podcloud.fr et iTunes. À très bientôt donc, restez bien les yeux au ciel par ce beau temps, froid certes, mais beau, et restez bien les pieds sur terre, surtout. Salut !